À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le meeting des ouvriers et des syndiqués a eu lieu le 5 courant à l'usine de tracteurs de Kumsong. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et de l'Union des syndicats, les ouvriers et les syndiqués. Les orateurs ont indiqué que le président Kim Il-sung a dirigé lucidement à la tête des militaires et civils coréens les deux guerres de la révolution et la révolution sociale à deux étapes et a édifié le socialisme axé sur les masses populaires avec l'éminente théorie idéologique, la direction extraordinaire et les nobles qualités. Finalement, ils ont invité tous à considérer le grand Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme comme unique idée directrice du parti et de la révolution pour faire progresser la révolution et le développement du pays et à appliquer à coup sûr les recommandations des grands leaders sans la moindre déviation et la moindre concession.